Ma bouche est un lance-pierre, donc si je parle, reste pas dans les parages. Et si tu veux me stopper, il te faudra bien plus qu'un barrage. Bien sûr que le bonheur pour moi n'a été qu'un mirage. J'attends que l'amour me prenne dans ses bras et me soulage. On m'a dit, reste fort, baisse pas les bras et du courage. Mais c'est plus facile d'être lâche que d'être brave. Ne me quitte pas, déjà après le chanter à l'époque. Pire qu'une mode, se séparer, personne, ça ne choque. Je ne me sens pas être comme tout le monde. Mais pourtant, le résultat est le même que tout le monde. Finalement, pas envie d'être un mouton, mais on y est forcé. La vie, nos actes sont programmés, même la date où tu vas crever. Je ne sais pas ce que la vie va nous réserver. Des fois, je ne suis plus moi-même, j'ai envie tout péter. Pas besoin de s'alcooliser pour être ivre ou arraché. Vis ta vie, je fais la mienne et va te faire enculer. Ils disent tous perdre pied, non je perds pas la tête. Je reste même en mieux, et le reste t'inquiète. Les épreuves j'en sortirai, plus grand qu'avant. Rien ne m'arrête, même plus les sentiments. Ils se disent tout, je perds pied, non je perds pas la tête. Je reste le même en mieux, et le reste t'inquiète. Les épreuves j'en sortirai, plus grand qu'avant. Rien ne m'arrête, même plus les sentiments. Je prendrais 16 ou une Henken comme des compresseurs. Non, la vie n'est pas rose, et oui, elle me fait peur. Je vis au jour le jour, mais la nuit est tellement sombre. Va savoir qu'un homme dépressif peut faire seul dans l'ombre. Y'a pas pire que la solitude, pourtant je me sens solitaire. Qui par le temps deviendra aussi fort qu'un militaire. J'ai juste un souhait, c'est d'être au moins un bon père. Que mon fils soit mon reflet, sans avoir les mêmes misères. Fils, bien sûr tu as tes deux parents, mais l'amour est compliqué. Bien sûr j'ai aimé ta mère, mais toi je ne cesserai de t'aimer. Bref, je ne veux pas être le reflet de votre société. Ma personnalité est d'être unie par l'individualité. La rébellion est en marche depuis déjà quelques années. Ne vous étonnez pas, par cause de vos actes la guerre va éclater. Non je perds pas la tête, je reste pied à terre. Donc allez vous faire, ceux qui n'aiment pas mon caractère. Ouais. Il dit tout, je perds pied, non je perds pas la tête. Je reste le même en mieux, et le reste t'inquiète. Les épreuves j'en sortirai, plus grand qu'avant. Rien ne m'arrête, même plus les sentiments. Il dit tout, je perds pied, non je perds pas la tête. Je reste le même en mieux, et le reste t'inquiète. Les épreuves j'en sortirai, plus grand qu'avant. Rien ne m'arrête, même plus les sentiments.